l'alcool, la drogue et les nanas. L'essence t'en a plus, y'a que la misère qui est la poudre des panaches. J'suis devenu un soula, l'alcool m'a souillé, je finirai sous l'eau. Ma chérie t'es belle, mais j'ai plus d'argent pour payer le libala. Bébé n'a rien à l'équipe, on va clore le débat. Bébé n'a rien à l'équipe, j'mène une vie de débauche. J'ai tout tenté. C'est la débauche, maman n'aime pas, je ne débauche. C'est la débauche, maman n'aime pas, je ne débauche. C'est la débauche, maman n'aime pas, je ne débauche. Ah là, j'ai compris, je suis un débauchard. J'ai tout plaqué, même le bon char. Comment vais-je atteindre le cocher avec la poste qui me suit sans arrêt? N'aime, c'est la misère. Je perds mes proches, c'est la misère. N'aime, c'est la misère. Ma santé s'envole, c'est la misère. Je fous la merde, c'est ma famille, je salis. Moi qui pensais avoir trouvé la faille, je me retrouve ici, les poches vides comme un païen. J'ai plus rien dans les chevaux. Car la misère m'a chez vous. C'est la débauche, maman n'aime pas, je débauche. C'est la débauche, maman n'aime pas, je débauche. C'est la débauche, maman n'aime pas, je débauche. C'est la débauche, maman n'aime pas, je débauche. C'est la débauche, maman n'aime pas, je débauche. C'est la débauche, maman n'aime pas, je débauche. C'est la débauche, maman n'aime pas, je débauche. C'est la débauche, maman n'aime pas, je débauche.